attends un peu, je te tiens. J'aime quand tu te tortilles comme une chenille. Sacre bleu, sacre bleu, quand vas-tu cesser ton petit jeu? J'aime titiller ta peau, mon bel asticot. Mais si tu veux que j'arrête, c'est mais quand si tu veux moi j'arrête. Mais si tu veux que j'arrête, c'est quand tu veux moi j'arrête. Promis, juré, mais ne viens plus me traiter. La nuit est tombée. Elle tombe bien. J'ai faim. Déjà ? J'ai peur. Tu vois quelque chose, Raoul ? Non, je ne vois rien, Jules. Une vraie nuit sans lune, ça, Raoul. Sans lune, Jules ? Mais alors, la lune ? La lune ? La lune ? La lune ? Allez, madame la lune, dépêchez-vous.